j'oublie tout. Ce soir je nique tout. Cœur plein, je vis tout. Miss la baise ou le bisou. On mène des vies de fous. Au check le vice tout. J'suis seul, ils me font les fous. En première, je les quitte tout. Ce soir, j'suis pas bien, faut que j'me délivre. J'crois que j'vais me mettre à boire des litres. J'roule sans casque, j'suis dans mon délire. T'es max quitté, j'suis en délit. J'm'en fous de voir ma tête à la télé. On a mis mon cœur sous ailé. J'me fous de savoir si t'es fêlé. Les BDH, faut leur faire TB. On a qu'une vie, grand, faut tout niquer. C'est pas évident dans nos cités. Tu me fais tes manières, tu me jures sur ta mère. Tu me dis j'aime comme t'as pas idée. Me parle pas de galère, me regarde pas travers. J'trouve les nerfs, tu risques de glisser. Ce soir j'oublie tout. Ce soir je nique tout. Cœur plein, je vis tout. Miss la baise ou le bisou. On mène des vies de fous. On check le bisou. Je me suis fait tout seul. J'ai trouvé mon chemin sans la boussole. Ça prend des grosses motos en poussette. Ça les démarre à la boussole. En manque de love, de douceur. Quand y'a un doute, y'a plus de doute. Joule dans l'écouteur. Toute la France est sur écoute. S'il te plaît, arrête tes salades. T'es même plus valable. On t'avait dit de pas trahir la Honda. Marseille, c'est Bagdad. Tu sens la patate. Ça braque à couler sur la Honda. Pour les frères en maison d'arrêt. Qui se refont avec 2-3 barrettes. Dédicace à ma team Joule, le Ponté, l'huile et les baumettes. Ce soir j'oublie tout, ce soir je nique tout. Cœur plein, je vis tout. Miss la baise ou le bisou. On mène des vies de fous. Au check le bisou. J'suis seul, ils me font les fous. En première, je les quitte tout. J'oublie tout, ce soir je nique tout. Cœur plein, je vis tout. Miss la baise ou le bisou. On mène des vies fous. On check le bisou. J'suis seul, ils me font les fous. En première, je les quitte tous.